La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial. La saison des Cougars de Chicoutimi a pris fin, on peut le dire abruptement, samedi, puisque les Cougars de Chicoutimi n'ont pas été en mesure de se tailler pour une place pour les séries éliminatoires. J'imagine qu'on est on est très déçus du côté des Cougars. On en parle avec l'instructeur-chef Nick Menacci. Salut Nick. Salut Danny. C'est Nick, j'imagine, donc j'ai pas eu la confirmation, mais j'imagine qu'on est extrêmement déçus du côté des Cougars de Chicoutimi de ne pas se tailler une place. Absolument. Absolument. C'était, je veux dire, de base, c'est l'objectif de la plupart des équipes, c'est de se rendre jusqu'en série éliminatoire. On n'avait pas une équipe pour se faire sortir des séries. On a connu quelques problématiques à certaines positions, certaines blessures qui nous ont amenés à revoir certaines stratégies et certaines situations. Malgré tout ça, c'est pas une raison, puis c'est pas une défaite. On aurait quand même dû faire les séries éliminatoires. On s'est compliqué la vie toute l'année, je veux dire, en commençant par le match contre Rimouski, le match contre Alma qu'on a perdu. Puis au final, ben, à la Pocatière, on joue un meilleur match que nous samedi passé. Puis c'est eux qui sont en séries éliminatoires. Puis ils le méritent, ils ont connu un bon match, donc je leur lève mon chapeau, mais nous, on n'a pas performé à la hauteur de nos attentes pas mal toute la saison. Ben Nick, est-ce que, moi je me rappelle du début, on avait fait une entrevue au pré-camp d'entraînement, tu étais confiant, oui. T'arrives oui. Au début de saison, là, tu étais beaucoup moins confiant parce qu'il y avait des joueurs qui étaient supposés de venir qui sont pas venus. Oui. Est-ce que c'est ça en fait qui a joué? Ben, je veux dire, la première chose qui est arrivée, je veux dire, on recrute toujours en fonction des années suivantes ou de. Tu sais, on recrute à long terme. On a un plan. Ouais. Dire, un plan qu'on ne recrute pas année après année, donc à la pièce. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais recruté un carrière pour qu'à ma troisième année, l'année où Raphaël Cyr allait quitter, j'allais avoir un gars qu'on avait formé pendant 2 ans au poste de carrière. Le carrière-là a décidé de quitter l'équipe et d'aller jouer ailleurs. Ouais. Donc, la première des choses qui est arrivée au niveau du carrière. Tu parles avec son voisine, j'imagine. Oui, exactement. Okay. Suite à ça, le carrière qu'on avait désigné, Jérémy Villeneuve, qui était notre homme de confiance, qui était un carrière que j'avais recruté dans ma première année aussi, qu'on avait transféré comme receveur. Un gars super intelligent, un gars stand, un gars qu'on avait beaucoup d'espoir en Jérémy. Jérémy s'est blessé au bras pendant l'été, pendant le début du camp. Okay. Donc, on a perdu notre carrière tout de suite en commençant la saison. Donc, c'est sûr que ça devient tout automatiquement, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile pour nous d'évoluer là, sans carrière. Donc, Tommy Plamondon et Robin Loiseau ont pris le flambeau, mais c'était pas de base, c'était pas prévu que ce soit eux qui soient sur le terrain, c'était prévu que ce soit Jérémy Villeneuve. Donc ça explique un peu là, certaines problématiques qu'on a eues à ce niveau-là. Parce qu'au niveau terrestre, au niveau sol, je veux dire, on a gagné des verges sans bon sens avec Jimmy Larouche-Joubert et Alexis Boulanger. On a gagné des verges. Donc, première moitié de la saison, les équipes ont subi ces situations-là. Sauf que deuxième moitié de la saison, les équipes se sont ajustées. À un moment donné, ils ont fini par réaliser qu'on avait de la difficulté à lancer dans les zones profondes. Donc, les équipes ont ajusté le stratégie en conséquence, puis ça a été devenu plus difficile pour nous au fur et à mesure que la saison avance. OK. Donc, puis tout ce qui est arrivé, c'est sûr que quand on perd notre carrière, c'est peu importe le football professionnel, peu importe que ce soit football professionnel, football collégial, football universitaire, peu importe, tu perds ton leader en réalité. Là. Et c'est rare les équipes qui ont deux bons carrières. C'est rare quand même. C'est beaucoup. Ça change la donne. C'est certain que ça change la donne. Le petit gars qui était là, Tommy, a fait du meilleur qu'il pouvait. Je veux dire, il nous a donné un gros coup de main. Il a fait comme il pouvait. Mais malheureusement, ça n'a pas été assez. On n'a pas réussi à s'imposer au niveau de la passe pendant toute la saison. Tandis qu'au sol, je veux dire, on a gagné un nombre de verges. T'sais, on a perdu des matchs en ayant 150 verges de plus que l'autre équipe de gagner. Je veux dire, beaucoup d'indiscipline pendant la saison. On a eu plusieurs punitions, plusieurs situations qui nous ont... Mais ça, je m'en fais mon avis. Il y avait aussi la jeunesse. La jeunesse ne nous a pas aidés. Je veux dire, on avait près d'une trentaine de joueurs qui n'avaient jamais vu un baptême collégial. Ça, c'est sûr que ça fait une différence aussi. Mais là, je vais faire mon avocat du diable, m'a posé une question un peu chiante. Tu as parlé de punition. Je connais assez le football. Je connais le football pour te dire que normalement, une équipe qui est indiscipline, c'est une mauvaise préparation. Est-ce que tu prends une partie du blanc? Ben oui, parce que je prends toujours une partie du blâme sur tout ce qui se passe dans l'équipe. Ouais. Donc, c'est certain que je prends, comme je te dis, c'est pas de la faute de personne d'autre. Je commencerai pas à mettre ça sur la faute des petits gars de 17 ans ou n'importe quoi. Donc, moi, je prends le blâme, je suis capable de le faire, puis ça me dérange pas du tout. Mais par contre, je veux dire, il y a je me lancerai pas là-dedans d'année aujourd'hui, okay. Là, parce okay. que j'aurais pu... J'aurais pu tirer à boulet rouge sur bien des choses en ce moment, mais dans les faits, nous, ce qu'il faut travailler, justement, c'est de leur montrer l'impact que ça a eu chez nous. Tu sais, je veux dire, moi, je questionne toujours certaines situations. Tu sais, je veux dire, on va jouer à Rimouski, puis on n'a aucune punition pour holding, puis après ça, on va jouer à Alma, puis on en pogne 14. Tu sais. Je veux dire, il y a un petit manque de juste milieu de niveau-là. Je peux pas dire que toutes les punitions qui ont été données cette année contre mes joueurs sont des punitions qui étaient méritées. OK. Donc, c'est ça. C'est sûr que là, on se parle via Facebook, donc c'est plus... On va se perdre... On est tindous. Oui, OK. Tindous. On a toutes les... Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, là, bientôt en 2019, on a toutes les vidéos. Fait qu'on a toutes les preuves de ce qu'on avance. C'est juste qu'à un certain moment donné, ben il y a ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler, c'est ce qu'on explique à nos joueurs. Puis à un moment donné, ben nous, c'est sûr qu'on va mettre l'emphase là-dessus puis qu'on va... On va trouver un moyen pour être moins pénalisé parce que là, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. OK. Si on parlait maintenant de ce qui s'en vient l'hiver, donc le recrutement, est-ce que ça va être plus difficile de recruter quand tu fais pas série? Pas du tout. Non. Du... Ah, c'est sûr que vous autres, c'est vrai vous autres que c'est des cours, par exemple. C'est ça, j'oubliais ça, là. Ça va beaucoup avec la technique. C'est ça. Ben, tu sais, je veux dire qu'on ait fait les séries ou qu'on n'ait pas fait les séries, un étudiant en physiothérapie, qui aime les gaillards ou que les gaillards ont fait les séries ou que les jeunes ont fait les séries, ben, s'il étudie en technique de physiothérapie, ben, il va falloir. C'est sûr. Donc, c'est sûr que ce niveau-là. Puis même de l'autre côté, sans même des joueurs qui vont faire sciences humaines, qui se donnent dans n'importe quel cégep, je suis très, très, très confiant par rapport à mes méthodes de recrutement, à ma façon de faire. On a toujours réussi à aller sortir des joueurs, à avoir du succès. On a réussi à sortir des gars de Saint-Félicien qui étaient longtemps un château fort des gaillards. On est toujours capable d'avoir des joueurs. Mais cette année, je veux dire, la QV, elle est très... Je ne veux pas dire faible, mais elle est mince. Elle est très, très, très, très, très ben, mince. Ben, écoute, ça ne peut pas faire autrement parce qu'il y a pas des, le football diminue. Donc, ça ne peut pas faire autrement que vous en payez. Là, quelque part, il n'y a plus de football scolaire. Exactement. Donc, c'est exactement. Sûr que... La finale régionale de la Ligue football avec... Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était Stettil contre Chibougamau. Ouais. Je veux dire qu'ils sont, on va dire, deux équipes qui sont... On recrute des joueurs, mais qui sont à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures de route de chez nous. Donc, nos bassins naturels, tu sais, aller à cette île, je veux dire, ça me prend plus de temps qu'aller à Montréal. Je veux dire, mon bassin naturel qui peut être, on va dire, à cette île, de où je sors des joueurs, ben, pour nous autres, ça nous demande quand même une certaine logistique et une gymnastique pour être capable de les recruter, ces joueurs-là. Malgré que, tu sais, moi, dans mon équipe, j'ai des joueurs de Chibougamau, des très bons joueurs, puis je veux dire, ils ont des super joueurs que j'ai vu jouer cette année que je vais recruter très fort. Je veux dire, on a des bons joueurs partout. Par contre, c'est juste le nombre de joueurs et aussi ceux qui vont continuer à aller jouer au niveau collégial. Parce que c'est pas tout le monde qui fait au cégep. Là. Non. Je veux dire, il y a des TEP maintenant, il y a beaucoup de possibilités pour eux. Là. OK. Parle-moi de la production des joueurs du Haut-du-Lac. Est-ce que c'est quand même. Les joueurs ont bien évolué? Est-ce que tu es content de nos joueurs d'ici? Absolument. Mais la plupart de mes gars là, qui viennent du Haut-du-Lac là, ont très bien performé. Je veux dire, j'ai des gars qui ont vécu des premières années collégiales. Je veux dire, je prends l'exemple juste Simon Grimard puis Olivier Julien, qui sont sur la ligne offensive, qui sont deux joueurs de première année qui ont joué toute l'année. Olivier Julien a été partant tous les matchs, il a été blessé un match. Il a été partant tous les matchs. Simon Grimard a été partant pendant plusieurs matchs. C'est des gars de 17 ans qui prennent un an d'avance, qui ont vraiment bien fait. Après ça, Alexis Thibault a été beaucoup blessé cette année. On attendait beaucoup d'Alexis. Il y a eu un claquage qui l'a ralenti. Ça a été plus difficile à ce niveau-là. Ensuite de ça, dans mes gars plus vieux, là, j'ai des joueurs finissants aussi qui terminent. Mathieu Larouche a eu une belle saison. Marc-Antoine Jean sur la ligne offensive aussi a eu une belle saison. En gros, les gars qui arrivent du Haut-du-Lac, là... souvent, ils vont nous donner du bon football. Là. C'est juste de les ramener un peu à notre niveau, là, au niveau technique, au niveau tactique, mais c'est des gars qui arrivent ici et qui ont, on va le dire, on va dire qu'ils ont du chien. Ouais. C'est des gars qui, les gars qui viennent du haut du lac, souvent, c'est des gars qui ont du chien, qui travaillent fort. Puis ils ont été pas bien... nécessairement les plus beaux techniquement, mais c'est les gars qui vont faire ce que tu leur demandes et qui vont toujours être à 100%. Ils ont été bien encadrés par Kevin Tremblay. Hey, je vais te poser une question qui va t'énerver, oui. Mais il faut que je la pose pareil. Moi, tu me réponds ce que tu veux. As-tu peur de ton emploi? Parce que ça, moi, j'ai eu des attentes de dire que ça a plus ou moins bien été cette année. Est-ce que tu as peur pour ton emploi chez les Cougars de Chicoutimi? Oups, la ligne s'est coupée. J'espère c'est la volonté que... du cégep de me remplacer. Ouais, recommence, Nick, parce que je ne sais pas si c'est là, mais j'ai la ligne est coupée. Non, dans le fond, non, j'ai pas nécessairement peur pour mon emploi. Okay. Je veux dire, si les gens ici du cégep veulent passer à autre chose, je veux dire, moi, je vis avec leurs décisions. Je vis très bien avec tout ce que je fais. Je veux dire, tu sais, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont externes à nous. C'est des gens qui n'ont aucune idée. Est-ce que ces gens-là sont au courant de la réussite qu'on a au niveau scolaire dans le cégep? Est-ce que ces gens-là sont au courant? Probablement pas. Est-ce que les gens sont au courant de tout le travail que je fais à l'intérieur du cégep avec ces jeunes-là pour les accompagner? Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, moi, quand je m'étais engagé, on m'a pas demandé de gagner des bols d'or, on m'a demandé de diplômer des jeunes. Okay. C'est ce que je fais année après année. On a un taux de diplomation qui est très haut. Ouais. En ce moment, je suis en discussion avec le Rouge et Or, je suis en discussion avec plusieurs équipes universitaire pour mes joueurs. Donc, que j'aille gagner un bol d'or, que j'avais pas gagné de bol d'or, que j'avais fait les séries ou que je me sois fait expulser, ça changera pas que le travail qu'on fait ici à l'interne, c'est former des joueurs, c'est former des étudiants athlètes qui vont avoir leur diplôme. Donc, les Wizards puis les Ragots qui viennent de la gauche puis de la droite, de toute façon, ils viennent toujours de la même place. Ah ouais. Okay. Ils viennent toujours de la même place. Okay. Mais c'est quoi? Rendu là, Moi, je vis très bien avec ce que je fais ici depuis 3 ans. Je suis très. Est-ce que je vais pas changer des choses? Ouais, ben c'est ça, c'était ma prochaine question. La question, c'est oui. Oui, je vais pas continuer de faire les mêmes affaires nécessairement, mais est-ce que je me sens mal par rapport à quelque chose? La réponse, c'est non, pas du tout. Non, OK. Est-ce que tu vas changer du monde dans ton personnel d'entraîneur? C'est des possibilités. Ouais, okay. On regarde tout en ce moment. Tu sais, on est éliminé samedi passé. Là, je me donne du temps pour rencontrer mes coachs, rencontrer mes joueurs, pour pouvoir faire un bilan vraiment là, un plus exhaustif là, de mon emploi. On a des gens qui de jouer seulement une session, de repartir. Le cégep, c'était pas fait pour eux autres. Donc, on va regarder à ce niveau-là. C'est même affaire avec les coachs. T'sais, dans la région ici, ce qui est une des choses qui est plus difficile au-delà des joueurs, c'est les coachs. Mm. C'est d'avoir des coachs, c'est d'avoir du monde qui sont là, qui peuvent donner du temps. C'est ça qui est plus difficile. Donc, il faut regarder avec nos coachs qui sont des étudiants, des fois, à l'université ou des choses comme ça. Donc, on regarde avec eux s'ils seront de retour l'année prochaine. Et nous, on risque de faire quelques changements, c'est certain, à l'intérieur du groupe d'entraîneurs. J'ai l'impression qu'on va se reparler. Au mois de décembre, c'est toujours la période de recrutement. Fait que on va se reparler à partir de ce moment-là s'il y a des joueurs du Haut-du-Lac qui... Ben là, tu viens de me dire quasiment quand même que c'est difficile, mais quand même. S'il y a un couple de joueurs qui passent ici, ben on va se reparler. Excellent, c'est super. Voilà, donc l'instructeur Nick Menacci.